Les redifs de l'été sur Fadjet. Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région et j'ai même envie de dire de la grande région. Pierre au micro, 94.2, Fadjet.net les samedis à 13h, les dimanches à midi. Aujourd'hui, c'est rock'n'roll avec les Coming Wolves qui sont déjà passés. Des fois, on en reçoit des fois, puis quand ils sont sympas, ils reviennent. On revient. Sinon, ils reviennent pas. Et puis, on les emmerde, ceux qui ne reviennent pas. Mais je n'ai pas le droit de dire ça. Je vous aime tous, chers auditeurs. On ne vise personne. Hein. Toutes et tous. On est avec Jimmy. C'est moi, bonjour. Yeah, Jimmy. C'est moi. On est avec Alan. Un saluant, ça va. Ouais, tranquille et toi hein. Ouais, ça va bien. Ah bah, génial. Hein. Et puis on est avec un hispanique. C'est un truc qui n'a aucun sens. Évidemment, n'y voit là aucune forme de racisme. Ça commence bien. Alors je mets en face sur toi parce que t'es pas là la dernière fois, t'as rejoint la formation. Ouais, je suis le petit nouveau. T'es le petit nouveau, on est avec Valentino, qu'on va appeler Valou. Pour les intimes. Pour les intimes. Coucou Sab. C'est... J'ai pas dit non. On n'a rien dit, on n'a rien entendu. Ça part des gens en cacahuète. Sur des mamans, là. Fadjet. On aime toutes les mamans d'ailleurs. On y reviendra, oui. C'est un peu bizarre. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Ouais. Déjà 17 dates qui ont été annoncées. Ouais. Peut-être quelques-unes dans le tiroir. Et je parle pas d'un bébé. Ça va tourner de toute façon. Ça va tourner. Coming Wolves, ce groupe de metalcore fusion, un EP All sorti en 2021. Dit avec de la merde, de l'accent anglais merdique. C'était pas mal. Chers auditeurs, il ne faut jamais se sous-estimer. Exactement. Voilà, toujours. Et ne jamais contredire l'animateur aussi. Effectivement. Merci. Parce qu'il y a un 9 mm dans le tiroir. On parlait pas de bébé, c'est un 9 mm. Bon, évidemment, il n'y a pas d'arme. Et surtout que je vais être obligé de rattraper toutes les conneries, mais c'est une émission métal. Un album Dark Feelings qui est sorti en 2022. Yes. Et puis, il y a plein de data annoncé, c'est du metalcore fusion. Alors on va faire un tour un peu du propriétaire pour savoir qui fait quoi dans ce groupe. Et surtout, moi, comme je vous ai reçu, j'ai envie de savoir ce qui a évolué avec l'ajout de Valou. Alors, je vais arrêter. Alors déjà, mon poids. Il y a plus de matos, plus de monde. Un petit peu. Et plus de tacos. Non, parce que justement, à ce niveau-là, ça a un peu changé. Parce que du coup, dans l'évolution, c'est que moi, j'ai arrêté de faire la basse. Parce que avant, j'étais le chanteur-bassiste du groupe. Okay. Et j'ai décidé de lâcher la basse pour me sentir un peu mieux sur scène et pas avoir, entre guillemets, cet instrument qui me bloquait dans ma prestation et mon dialogue avec le public. Tu l'as pas lâché trop fort, ça coûte cher. Ouais, non, je l'ai posé délicatement, mais je lui ai dit, toi, je te retoucherai plus avant un bon moment. D'accord, donc t'es passé de bassiste chanteur à juste chanteur pour être à temps plein, quoi. Ouais, voilà, je suis à temps plein chanteur et j'ai mis la basse en fait dans les avec un logiciel, elle est en séquence. Et du coup, elle ressort dans les enceintes lors de nos concerts. Y a pas de bassiste du coup. Voilà, y a pas de bassiste scénique, mais par contre, y a une basse qui sort des enceintes. Ok, intéressant. Ouais. On a commencé ça en octobre, le 1er octobre, justement pour fêter les 1 an de notre EP. On a testé ce nouveau format et en fait c'était le jour et la nuit complètement. On se lâche beaucoup plus sur scène, je trouve. Ouais. Et c'est surtout ton jeu scénique. Ouais. Ça change, ça a été le jour et la nuit en fait. Ça me permet vraiment de pas avoir ce truc qui me bloque et te concentrer sur les postures, paroles, le chant, ouais, voilà. La posture et communiquer, partager avec le public aussi. C'est beaucoup plus facile quand tu peux jouer bien sûr. Qu'en gros t'as un truc automatique qui joue derrière toi et que tu peux justement dire au public allez applaudissez, faites des pogos et tout. Je peux faire plus de place à l'impro vu qu'on est cliqué. Mais vu que je suis juste au son, j'ai que le micro sur des parties instru, je peux faire de l'impro justement pour chauffer le public. Quoi. D'accord. Alan, guitariste. C'est ça, et je fais un peu les backups pour l'instant. Les big ups. Voilà, en même temps. Ça, j'en profite maintenant vu que. Enfin, comment dire. Vu qu'il joue davantage avec le public, je peux le suivre davantage par rapport à ce qu'il fait. Après, le petit changement aussi, c'est que je m'occupais du booking quand on s'est connus. Là maintenant, j'ai pu déléguer en fait à Jimmy qui me donne un gros coup de main au niveau des médias. Donc ouais. C'est lui qui s'est occupé de cette interview, du rendez-vous de cette interview. Et après voilà, pour l'instant il y a pas rien qui change au niveau la structure entre entre Jimmy et moi, il y a juste l'arrivée de Valentino Valou pour les intimes. Voilà, je voulais te l'entendre. Striker pour la scène. Voilà, Striker pour la scène, Valou pour les intimes et Valentino pour tout le monde. Donc à la batterie Valou. Je pense que c'est clair. Ouais, j'ai la batterie. Ouais, c'est sympa. Au tambour. Tu le vis bien. L'enfoiré. Du coup, il va se dire j'aurais pas dû venir. Ah mais on a dit on va te baptiser premières. Bah je crois que c'est la deuxième. La deuxième en radio comme ça, ouais. La première c'était chez RCF, RCF. Ouais. Juste à côté. Ouais. Radio Parti. Et du coup bah là c'est aussi. Après on va considérer que c'est la première parce que ça fait un bout de temps quand même, ouais, histoire de se remettre en jambe. Même pour nous, ça fait longtemps qu'on a pas fait d'interview. C'est clair. Donc voilà, monsieur Striker. Très bien, donc d'un power duo, on passe sur un power trio, oui Alan. Et monsieur aussi s'occupe de, entre TikTok. Guillemets, du réseau TikTok. Ouais. Voilà. Ah, il y a un TikTok. Ouais. Non, mais ça, à la limite, mais il y a un mec dédié à TikTok. C'est... Ouais, voilà. Comment ouais, parce qu'en fait, il balance toutes les vidéos. Tout ça. C'est marrant. En fait, il s'en sort très très bien parce qu'il connaît plus TikTok que moi. Moi, le TikTok, j'utilise juste pour scroller pendant 8 heures. Comme ça. Voilà, pour scroller sans s'arrêter. Mais en fait, ça me. J'ai jamais réussi à comprendre vraiment le fondement de cette application. Donc en fait moi je suis le community manager. Tout ce que tu peux voir sur YouTube, Insta et Facebook, c'est moi qui m'en occupe. Mais du coup bah, TikTok on lui a laissé, vu qu'il il gère plus que moi. Donc on lui a laissé ça. Moi aussi ça me fait du travail en moins, parce que du coup vu que j'ai plus TikTok, et bah, j'ai le booking des médias. Parce qu'Alan s'occupe du booking des dates et moi je m'occupe du booking des médias. Donc tout ce qui est chronique, interview comme aujourd'hui. Diviser pour mieux régner. Exactement. C'est un peu le maître mot. Les Coming Wolves. Alors je vous avais fait la blague la dernière fois que vous êtes venus. J'ai dit que c'est en version québécoise, c'est les loups venants. Les loups arrivants, ouais. Ou les loups arrivants. Mm-hmm. J'avais essayé de faire un accent, puis j'ai arrêté dans ma carrière de ça. Ça m'a pas marqué, donc ça devait vraiment être nul. Effectivement, c'était. Merci. Je te remercie, Jimmy. C'était vraiment le choix que j'ai fait. Elle va être sympa l'interview. Très très sympa. Ce qui n'est pas nul, chers auditeurs, c'est leur musique, c'est du metalcore fusion. Il y a déjà, je l'ai dit, un EP et un album qui sont disponibles sur toutes les bonnes crémières, Spotify, Amazon Music, nommez-les, elles sont là. Spotify, Deezer, Amazon, ouais, Apple Play, ouais, c'est toi qui Amazon Play, enfin vraiment, en fait, toutes les plateformes sur de streaming. 158 plateformes de streaming, sur chaque plateforme où tu peux streamer, on est dessus. Donc du coup, ça fait... beaucoup d'occasions et d'opportunités pour vous, chers auditeurs, de découvrir Coming Wolves. L'interview va continuer, mais vous le savez, les musiciens, ben, c'est la musique, et parfois une musique vaut mieux que 1000 mots. À ceci près que j'ajouterais que pour la première musique, cette phrase était bizarre, qu'on va écouter, je vais vous demander quand même de nous expliquer ça parle de quoi, puisque c'est en anglais et que nous ne sommes pas tous des fans de l'anglais. Ce morceau est Unknown Glory. C'est exactement ça, mais ça c'est l'un des rares morceaux où c'est Alan qui a écrit les paroles. Ah parce ouais. que c'est en fait on se partage des fois le travail comme une ça. Culture. Quand j'ai une panne, ce qui arrive. Arrive à un homme sur trois à partir de. Je vous ai dit, t'es obligé de la faire. Quand j'ai un manque d'inspiration. Bah, je vais chez Alan et puis bah, il me recharge et puis c'est bon. Bon, il est pas encore minuit sur Fadjet, voilà. Vous avez compris quoi. Il est que 13h, les jeunes, allez vous coucher. Non, parce qu'en fait, le plus souvent, en fait, quand on compose les morceaux, il m'envoie la composition avec un texte. Si jamais j'ai pas d'idée ou que même des fois je me dis que je préfère me concentrer sur d'autres morceaux que sur certains morceaux, donc là il m'envoie le texte et en fait je l'ai remis un peu quand même à ma sauce en anglais, parce que le texte est d'origine en français. D'accord. Et en fait il pourra mieux l'expliquer que moi, mais c'est un gladiateur qui souhaite pour moi tout briser, parce qu'en fait la patte que j'ai rajoutée c'est le gladiateur qui rentre dans l'arène et qui s'arrêtera pas tant qu'il verra pas tous ses combattants morts gisant à ses pieds. En gros. Ouais, bah. C'est... Et la gloire, justement, cette gloire inconnue de réussir à faire. En fait, à se mettre en avant, malgré tous les combats que tu vas avoir à affronter, bah, le fait de toujours ressortir gagnant, malgré le fait que tu sois dans l'inconnu, donc la gloire inconnue, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Alors au début, j'allais dire c'est vachement violent, mais en fait là, tu nous balances un message d'espoir. Voilà. Et ça, c'est bien. Bah, à la base, c'était ça en fait. Ouais. Après, c'est pour quand je lui ai envoyé le texte de base, voilà, c'était un peu entre guillemets pour schématiser le truc. C'était un peu comme Gladiator le film, vraiment très vite, hein, parce que vous avez pas du tout la même vision que le film. Et en fait, j'ai fait le texte un peu plus sentimental. Et après, il est arrivé avec sa patte un peu plus brute, au niveau du chant aussi. Et après, on a mélangé nos univers, enfin, par rapport à ce que je lui ai envoyé au niveau des paroles. Et puis, après, il a fait ce magnifique texte. Ce magnifique texte et cette magnifique musique issue de l'album Dark Feelings. Ouais. On écoute Unknown Glory. Les redives de l'été sur Fadjet. Glory, The Coming Wolves. Mes invités, ils viennent de Metz. Bon, en tout cas, Jimmy et Alan chaud. Viennent de Metz, mais Valentino, j'ai dit encore Valou. Tu viens de, bon, tu viens d'où toi? Moi, j'ai Clouange. De quoi? De Clouange, gros. Oh putain. Ça a oh, 20 minutes. Ça... Les villes en ange. Ouais, oui. Ah, il y en a pas mal. Ah, oui. Unknown Glory issu de l'album Dark Feelings sorti en 2022 pour lequel on peut dire que vous avez une bonne release tournée. Oui, je viens de mélanger du franc anglais là. C'est parfait. On aura des dates, des compris dates toi à avoir. Annoncer. Compris, moi t'avoir, moi vous avoir. Moi compris toi. Compris. Alors bon, c'est marqué metalcore, metalcore fusion. Yes. On va parler un peu zik quand même. Allez. Pour les néophytes. Alors là. Attends, et voilà, bravo. Merci. Merci. Elle est belle. Alors metalcore fusion, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que vous avez des références à me balancer, des trucs sur lesquels on peut se raccrocher? Oh oui. T'as 8 heures devant toi là. Ouais, on a qu'une demi-heure d'émission, mais. Ok. Bah en fait, pour être très simple, c'est le terme de fusion, c'est un terme qu'on a mis du temps à trouver, mais c'est un peu la fusion de tout, c'est la fusion déjà de nos deux univers parce qu'on a il a plus d'expérience que nous et on va dire un peu plus rétro vintage et nous on a grandi avec des musiques actuelles. Donc en fait, il y a le mélange déjà de ces deux types d'influences, années 80, années 2000, années 2010. Donc, et ça se ressent dans notre musique et on met un point d'honneur avec le terme fusion parce que si tu écoutes notre album, et j'invite les auditeurs à le faire, tu vas comprendre que chaque morceau est indépendant de l'autre. Il n'y a pas de concept. Voilà. Bah, en fait, chaque morceau est un concept. Mm. T'as des morceaux qui vont toucher au punk, punk rock un peu métal comme Oxygène. Tu vas avoir du gros bourrin comme Burn the World, qu'on va écouter juste après. Après, t'as du pur metalcore comme Dépendance ou Dead Machine. T'as du heavy, du black, du death. Enfin, en fait, tu vas trouver un peu de tout et c'est justement cet objectif de toucher des néophytes de façon à ce qu'ils puissent apprécier notre musique, que ça soit une musique ou une autre, mais que forcément dans notre album, il y a une musique qu'ils aiment bien. Donc qu'ils se fassent pas chier pendant qu'ils écoutent un album, parce que ça nous arrive, on écoute des albums, même de pointure, où c'est tout le temps la même chose et au bout d'un moment tu te demandes en fait si t'as pas un bug et que le morceau est en boucle alors qu'en fait non, l'album défile mais c'est toujours la même chose. Ou s'ils sont passés par une intelligence artificielle qui a fait le truc. Fadjet couleur locale, 94.2 à Nancy et Fadjet.net. On est bien, on est avec Coming Goulos. Moi j'aime bien cette idée de dire on écoute l'album et tout le monde a son morceau qu'il aime bien. Voilà. Tout le monde a son truc qu'il aime bien. Tour de table, chacun vous allez me citer un groupe qui vous inspire, qui vous influence. Et je vais commencer par Valentino, parce que du coup, on t'entend pas beaucoup. Moi, c'est Gojira. Ah bah voilà, les Français de Gojira. Forcément. Moi, actuellement, ça va plus être dans le style Lorna Shore. Je le connais aussi, mais tu t'en fous. Mais je connais. Merci ta gueule. Bah parce qu'en fait là on est pas en période de composition donc ça va très bientôt arriver mais on n'est pas encore en période de composition parce que si on a 10 secondes pour en parler on va en parler mais dans pas longtemps on va commencer la compo pour la suite mais sinon ouais moi c'est Avenged Sevenfold, ça change pas en fait de la dernière fois, c'est du Avenged Sevenfold, c'est ce que tu m'avais dit aussi là, et je renie pas mes classiques et High Prevail aussi. On avait dit un groupe. Que des bandes. Ouais, c'est vrai. Là, je m'en fous. Et toi, Alan? Bah, moi, à part. Enfin, j'en ai plusieurs aussi. Moi, ouais, j'aime bien, oui. Shaman Beaded. Bah, moi, entre guillemets, si vraiment je dois en choisir qu'un, ça serait Muse, quoi. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu vois le terme de fusion? Ouais, là, je vois, on passe de Avenged Sevenfold à Muse, à Gojira, voilà, tout va après, bien. Après, pour en choisir qu'un, vraiment. Mais, parce mais qu'après, très, j'en ai très énormément, mais si vraiment je dois choisir qu'un, ça serait Muse, quoi. Vraiment. On est quand même sur un spectre du rock au métal qui est assez intéressant. Alors, je crois qu'il y a du riffifi dans les coulisses, ça se tient la main. Oui, non, mais j'ai senti quelque chose. C'est magnifique, c'est aussi ça l'esprit métal. Tant que c'était pas autre chose. Chers auditeurs. L'esprit métal, chers auditeurs, c'est la fraternité, des fois, ça va un peu loin. Et quand ça va loin, chers auditeurs, des fois on a envie de brûler le monde. Belle transition. Encore une fois. Merci. Ah ouais. Donc, il avait la gale le loup là. C'est un loup après toi, bien. Donc évidemment l'alcool est dangereux pour la santé, le sommeil, modération. Surtout Jack, ouais. Alors Burn the World, ça parle de quoi? Bah alors Burn the World, c'est très très simple, c'est l'image de Godzilla qui vient détruire le monde. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Et c'est un message aussi, parce qu'en fait, tous nos morceaux, les paroles sont des messages. C'est un appel à. En fait, c'est un peu en référence, si je peux prendre une référence, Fight Club. Oui. En fait, la répartition de l'égalité par le chaos. Tu détruis tout et ensuite on repart tous à zéro. Tous les riches, on les défonce. On repart tous à zéro et la balance, elle se remet à zéro. Et on envoie la sauce. Et on est parti. Ok, et ben on est parti avec Coming Wolves. Burn the World de l'album Dark Feelings et on y va. Yeah, The Coming Wolves. On est avec Jimmy au chant, alias Britney, Alan à la guitare et au backup, et Striker, c'est ton nom de scène, ouais. Parce que j'ai dit Valou, Valentino, Pedro, Pizzaiolo. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Parce qu'il est pas hispanique, il est italien. Mais en plus, on se trompe de nationalité. De pays. De continent. Il y a plus rien qui va. On est sur Fadjet dans Couleur Locale à Nancy tous les samedis 13h, les dimanches midi. Si vous avez raté l'émission. Et moi, c'est Alana, au cas où. Alan, je suis de passage. Merci, je repars. Salut. Désolé. Si vous, Alan, évidemment, très important. Si vous avez raté l'émission, elle sera en podcast. Ils vont finir par me détester. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps avant de clôturer avec la dernière musique qui est clippée. Alors, on va parler rapidement de ta mère, mais pas celle à laquelle tu penses. Exactement. Allez, c'est parti pour le feu d'artifice. Pour envoyer sur ta mère, en fait, c'est ta mère, en fait, c'est une boîte. Ta mère, c'est une boîte de vêtements avec qui on va rentrer en partage. Non, pour être plus sérieux, parce qu'on a plus beaucoup de temps, ouais, ça va être chaud. Je remercie d'abord Kevin de Ta Mère Clothing. Donc, pour être plus sérieux, c'est une marque de vêtements qui a été fondée il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je les ai découverts lors de notre passage au off du Hellfest à Clisson. Et j'ai découvert leur stand. Et moi, je me suis dit, c'est génial parce que c'est le summum de l'insolence. Et j'adore ça. Et je veux porter ça sur scène. Et donc, j'ai acheté leur t-shirt que je porte actuellement. Et avant-hier, j'ai envoyé un message pour une demande de partenariat qui a été tout de suite acceptée. Donc à partir de samedi, on se rédige un contrat, on le signe et puis l'aventure commence avec eux. Donc Kevin, un gros bisou. Coming Wolf, ouais. Jimmy, Alan et Striker qui étaient avec Salut. Nous. Voilà, deux albums, un EP, un album. On peut retrouver ça sur vos réseaux Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, Deezer, YouTube. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, on va écouter un morceau qui a déjà un petit clip. C'est ça, le morceau Dead Machine, le morceau qui résume un peu tout notre album, pour moi. Parce que c'est l'un des morceaux avec les paroles les plus fortes. Donc on a dit avant l'émission qu'on parlait pas de politique, donc je ne vais pas en parler, mais ce morceau parle de la politique et du fait que pour moi la dead machine, la machine morte, c'est le gouvernement. Et je n'en dirai pas plus, je laisse tout le monde aller découvrir ça sur YouTube. Et on découvre ça en audio sur Fadjet dans Couleur Locale. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, le podcast sera disponible sur Spotify et Fadjet.net. Encore merci aux Coming Wolves et bonne suite à vous. Merci. Des gros bisous. Et merci de nous avoir reçus. Yes, de rien. Dead Machine. Ouais. My eye.